avions taillettes. Radio Cayenne. En échange d'une trace de douceur, en rouge et noir. Hola hola, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Vous êtes 8 à nous écouter, on vous fait des gros bisous et hey, 8 c'est tout juste assez pour faire une manif. Allez go, mais bon, quand on a fini, hein, partez pas avant. Alors on avait envie de vous présenter une petite vidéo qui a été faite par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, c'est extrêmement précis, organisation québécoise qui nous a pondu un petit tuto sur comment se radicaliser à l'extrême gauche. On vous laisse avec ça. Bisous. À chaque fois, nous remarquons que ces individus ne se sont pas radicalisés soudainement, mais au contraire, qu'ils ont suivi un long cheminement vers la violence. Suivons Jérémy, par exemple. Jérémy évolue dans une société où il existe diverses inégalités économiques et sociales. Malgré les mesures prises par son gouvernement, il constate que bien des personnes souffrent toujours de conditions précaires, alors que d'autres semblent profiter d'un mode de vie beaucoup plus clément pour ne pas dire nanti. Jérémy est particulièrement sensible aux questions de pauvreté, d'inégalité économique et d'exploitation des ressources naturelles par les nations les plus riches. Il trouve aussi choquant que personne ne se révolte sur les conditions de vie des Autochtones, la mauvaise répartition des richesses ou encore les discriminations et le racisme vécus par certains de ses concitoyens. À l'occasion d'une manifestation étudiante, Jérémy a rencontré des personnes engagées, avec qui il partage les mêmes craintes. Avec ses nouveaux amis, Jérémy participe à des groupes de discussion en ligne à propos de l'anarchisme, de l'anticapitalisme et de l'antiracisme. Pour eux, la police est une institution corrompue au service d'une élite dirigeante qui veut maintenir ses privilèges. Pour Jérémy et ses amis, les gouvernements ne font rien pour lutter contre la destruction de l'environnement. Au contraire, ils encouragent même certains projets qui détruisent la planète. Bref, les discussions qui s'y tiennent sont variées, parfois modérées, mais souvent assez teintées d'un certain radicalisme. Face à ces discours, Jérémy a du mal à faire la différence entre les faits nuancés et certains discours plus idéologiques. Cette capacité dépend en réalité de ses facteurs de protection et de vulnérabilité, tels que son bagage et sa situation personnelle, son environnement relationnel ou encore son sens critique. Tous ces facteurs vont être primordiaux pour les choix que Jérémy va faire par la suite. Avec le temps et les rencontres, Jérémy a développé une vision du monde assez tranchée entre d'un côté ceux qui participent à faire vivre le système capitaliste et de l'autre ceux qui le feront tomber. Il affirme à qui veut l'entendre que le monde se dirige vers une catastrophe, que nous sommes les esclaves d'une classe dirigeante et que ceux qui refusent de lutter comme lui sont opposés à tout progrès social, pour ne pas dire des complices du système capitaliste. Pour Jérémy, seule la lutte active pourra mener à un véritable changement social. Jérémy en est désormais convaincu. S'il veut que le monde change, il doit prendre les moyens pour escalader la lutte. Parler ne suffit plus, il lui faut agir. Il y a quelques semaines, il a rejoint un collectif anticapitaliste nommé Radar, prêt à en découdre avec le système. L'implication de Jérémy dans ce groupe lui donne un sentiment d'appartenance, de fierté et d'estime de soi, mais surtout l'impression que sa vie a enfin un sens et qu'il a trouvé les personnes avec qui il va pouvoir enfin changer les choses. À l'occasion de la dernière manifestation Radar sur la gentrification de certains quartiers dans sa ville, Jérémy et son groupe ont décidé qu'il était nécessaire d'envoyer un message plus fort aux bourgeois et à la population pour éveiller les consciences. Pour ce faire, ils ont planifié l'incendie du guichet automatique d'une banque et le saccage du commerce adjacent, accusé de contribuer à l'embourgeoisement du quartier. Jérémy pense qu'il faudrait en faire davantage pour secouer la société. Et déjà, il planifie d'autres actions. Sans s'en rendre compte, Jérémy s'est lentement radicalisé vers la violence. Le processus de radicalisation est un enchaînement de circonstances et de choix de l'individu. On ne se radicalise pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons, à Gatineau, à Libreville ou à Moscou. Prévenir la dérive radicale, c'est porter attention à certains comportements de basculement. Soyez proactifs et communiquez avec nous en toute confidentialité si une personne vous préoccupe. Nos intervenants vous conseilleront sur les mesures à prendre et, au besoin, vous offriront un accompagnement spécialisé et adapté à la situation. Et voilà, voilà, du coup, c'était un tuto canadien sur comment se radicaliser. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Jérémy, je le trouve hyper chouette. J'ai trop envie de devenir sa pote, en fait. Pendant tout le début de... C'est une vidéo, en fait, hein, et pendant tout le début de la vidéo, c'est vrai qu'on se demande où ils veulent en venir et quel est le problème avec ce Jérémy qui se préoccupe de comment du va monde ce qui monde, l'entoure. Voilà, hein, et qui veut changer. Et du coup, bon, on finit par comprendre que c'est problématique de se préoccuper du monde qui nous entoure autrement qu'en allant voter ou qu'en allant marcher dans les rues sans ne rien faire d'autre. Et en tout cas, parce que la fin de la vidéo, ça veut quand même dire que, du coup, je sais pas, c'est dans quelle province du Québec, ça veut dire qu'il y a quand même, au Québec, une cellule de déradicalisation des gens, donc eux, ils appellent ça d'extrême gauche, mais en tout cas, des gens qui emploient d'autres moyens que de voter et que de marcher pacifiquement dans les rues pour changer le monde, et que cette cellule, et qu'on peut à la fois appeler cette cellule de déradicalisation, et qu'elle fait elle fait des stages, en fait, où elle fait, enfin, elle peut proposer des trucs pour déradicaliser les gens, quoi. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Enfin, c'est incroyable, mais à la fois ça se passe, en fait, en France, par exemple, pour des personnes qui sont soupçonnées de se radicaliser vers le entre guillemets islamisme. Et du coup, on sait, hein, que quand on commence, enfin, je dis tout vite fait, c'est peut-être un peu brouillon, mais si en France ça existe, les cellules de déradicalisation, les processus de déradicalisation payés par le gouvernement pour dans un cadre que eux ils estiment antiterroriste, on sait que ça peut, que ce qui arrive dans le cadre antiterroriste, ça arrive après dans les autres cadres, et peut-être qu'on verra ça arriver dans 2-3 ans en France. Mais après, moi, ce qui m'a fait aussi assez halluciner, c'est qu'au-delà des classiques Jérémy a rejoint un groupe qui parle d'anticapitalisme nanana, mais aussi d'antiracisme, en fait. Enfin, il présente l'antiracisme comme quelque chose qui vient menacer l'État, alors que, en fait, c'est pas le cas spécialement de tous les groupes antiracistes, en fait. Tous les groupes antiracistes sont pas anards. Et c'est, l'antiracisme est considéré comme quelque chose de nuisible. Je trouve ça assez dingue, en fait. Enfin, moi, c'est ça m'a scié les pattes, quoi. Les groupes qui font de l'antiracisme sont pas des groupes qui menacent l'État. On peut citer le MRAP, par exemple, SOS Racisme, des groupes comme ça. La LICRA, la LICRA s'occupe du racisme. Ah ouais. Ces groupes-là ne menacent pas l'État. Mais le LICRA, je crois qu'ils étaient collants. De s'attaquer au racisme, en soi, c'est menacer l'État, puisque c'est un des piliers de l'État. Ça repose quand même. L'État repose quand même sur une construction raciste. C'est sûr, mais de montrer ça comme une idée néfaste où les gens voudraient faire que du mal, je trouve ça complètement hors de propos, vraiment hors sujet, en fait. Enfin, autant je comprends qu'ils reprennent les poncifs anticapitalistes, nanana. Ils ont même pas cité une seule fois le mot anarchiste, je crois, dans la... Si, ils en ont parlé à un moment, mais pas trop, quoi. Et c'est juste, ça m'a fait rire, j'étais là, mais... Je sais pas, bientôt, quand on lutte contre le sexisme, on va se radicaliser aussi, enfin... Mais du coup, proposer un accompagnement, je me demande s'ils offrent un abonnement au Figaro, à l'équivalent canadien du Figaro, avec ça. Et tu te fais interviewer par Ego Clément après. L'appli BFM sur ton téléphone. Quelle horreur. Bon, Jérémy, si t'es en tout cas, on peut te filer le numéro de la Legal Team si t'es en galère.